chacun sa chimère, disait Baudelaire. À chacun son paradis artificiel. Puisse-t-on au moins en avoir un? Puisse-t-on au moins savoir qu'ils existent? Par-delà les regrets et les trahisons, loin des craintes et des haines, il y a des vallées vertes, des terres fertiles, où le miel coule à flot, où la lumière est pure, où les fauves sont en marbre, où les serpents sommeillent. La route est souvent longue, beaucoup s'égarent, car les guides sont bien rares. Certains rebroussent chemin, ou bien sont attirés par un faux raccourci. Quelques marins s'échouent, victimes de sirènes. D'autres tombent, foudroyés par Chronos. Si peu atteignent leur pays de cocagne. La plupart harassés, salis, souillés, ensanglantés, toujours enviés, quelquefois adulés, rarement immaculés, et si souvent haïs. Ils vivent alors l'extase, ils s'enivrent, ils se gavent, et ils ont bien raison. Faudra-t-il condamner un abus de bonheur? Mais l'extase est cruelle. Cruelle, car éphémère. Et la chute est si dure quand l'Eldorado fuit. Il faut rejoindre alors le troupeau des pèlerins, de partout ils affluent, happés par ce monstre rampant. On dirait des bagnards quand ils ont peu d'entrain. Beaucoup ont le même rêve, pouvoir faire demi-tour. Mais ce n'est pas possible. Et tous arriveront enfin devant cette Jérusalem inconnue. Tous s'y retrouveront devant son pont-levis. Beaucoup sont en haillons, quelques-uns couverts d'or. Là, on reconnaîtra ceux qui ont fait couler les larmes, réduit des rêves en cendres, rendant encore plus sombres des destinées si pâles. Là, on distinguera ceux qui ont su aimer, ceux qui ont su donner, donner et pardonner, simplement remercier. Et surtout éclaircir des regards qui semblaient condamnés à rester toujours gris. Et là, tous attendront. Un tel un supplice, un tel une délivrance. D'innombrables fontaines jaillira l'hydromel de l'éternité. Tous s'y désaltéreront, tous s'y régénéreront, rafraîchis, épanouis. Seul un petit groupe n'aura pas droit au calice des délices. Ceux-là repartiront vers un dernier périple, infernal celui-là, vers un dédale obscur, humide et effrayant.